Sainte Bible selon saint Jérôme, livre d'Isaïe, chapitre 34. Approchez, nations, et écoutez. Peuple, soyez attentifs. Que la terre écoute ainsi que sa plénitude, le globe et tout ce qu'il produit. Parce que l'indignation du Seigneur est sur toutes les nations, et sa fureur sur leur milice entière. Il les a tués et les a livrés au carnage. Ceux qui leur ont été tués seront jetés dehors, et de leurs cadavres s'élèvera une odeur fétide, et des montagnes se liquéfieront par leur sang. Et toute la milice des cieux se liquéfiera, et les cieux se rouleront comme un livre, et toute leur milice tombera comme tombe une feuille d'une vigne et d'un figuier. Parce que mon glaive s'est enivré de sang dans le ciel, voici qu'il descendra sur l'Idumée, et sur un peuple que j'ai voué à la mort, pour le juger. Le glaive du Seigneur est plein de sang, il est couvert de graisse, du sang des agneaux et des boucs, du sang des béliers les plus gras. Car il y a une victime du Seigneur à Bosra, et un grand carnage dans la terre d'Édom. Et des licornes descendront avec eux, et des taureaux avec les puissants d'entre eux. Leur terre sera enivrée de sang, et leur sol de la graisse des gras. Parce que c'est le jour de la vengeance du Seigneur, l'année des rétributions dans le jugement de Sion. Et ses torrents seront convertis en poix, et son sol en soufre, et sa terre deviendra une poix brûlante. Ni nuit, ni jour, le feu ne s'éteindra. À jamais s'élèvera sa fumée. De génération en génération, elle sera désolée. Dans les siècles des siècles, personne n'y passera. Et le nocrotal et le hérisson la posséderont. L'ibis et le corbeau y habiteront. Et le cordeau sera étendu sur elle, afin qu'elle soit réduite au néant, et le niveau pour sa ruine. Ses nobles ne seront pas là. Ils invoqueront un roi, et tous ses princes seront anéantis. Et les épines et les orties croîtront dans sa maison, et le palur dans ses forteresses. Et elle sera le repaire des dragons et le pâturage des autruches. Les démons y rencontreront les innocents taureaux, et le bouc criera l'un à l'autre. Là s'est couché la lamie, et elle y a trouvé son repos. Le hérisson a eu une tanière, et a nourri ses petits, et il a creusé tout autour, et il les a réchauffés sous son ombre. Là se sont assemblés les milans l'un près de l'autre. Recherchez dans le livre du Seigneur et lisez. Une seule de ces choses n'a pas manqué. L'un n'a pas cherché l'autre. Parce que ce qui procède de ma bouche, c'est lui qui l'a commandé, et que son esprit lui-même a rassemblé ces choses. Et lui-même a jeté pour eux le sort, et sa main a divisé leur part au cordeau. Jusqu'à l'éternité ils la posséderont, et dans toutes les générations ils y habiteront. Bible selon saint Jérôme, livre d'Isaïe, chapitre 35. Elle se réjouira, la terre déserte et sans chemin, et elle exultera la solitude, et fleurira comme le lys. Germant, elle germera, et elle exultera toute joyeuse et chantant des louanges. La gloire du Liban lui a été donnée, la beauté du Carmel et du Saron. Eux-mêmes verront la gloire du Seigneur et la majesté de notre Dieu. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux débiles. Dites aux pusillanimes, prenez courage et ne craignez point, car voici que votre Dieu amènera la vengeance de rétribution. Dieu lui-même viendra et il vous sauvera. Alors les yeux des aveugles s'ouvriront et les oreilles des sourds entendront. Alors le boiteux bondira comme le cerf et la langue des muets sera déliée. Parce que des eaux se sont répandues dans le désert et des torrents dans la solitude. Et la terre qui était aride sera comme un étang, et celle qui avait soif comme des fontaines d'eau. Dans les repaires dans lesquels auparavant habitaient des dragons, croîtra la verdure du roseau et du jonc. Et là sera un sentier et une voie, et elle sera appelée la voie sainte. L'impur n'y passera pas. Et ce sera pour vous une voie droite, en sorte que les ignorants ne s'y égareront pas. Il n'y aura pas là de lion,

n'attendront pas votre vérité. Le vivant, c'est lui qui vous glorifiera, comme moi-même aujourd'hui. Le Père fera connaître à ses fils votre vérité. Seigneur, sauvez-moi, et nous chanterons nos psaumes tous les jours de notre vie dans la maison du Seigneur. » Et Isaïe ordonna que l'on prît une panerée de figues et qu'on en mit un cataplasme sur la blessure du roi afin qu'il fût guéri. Et Ézéchias dit, « Quel sera le signe que je monterai à la maison du Seigneur ?» Selon saint Jérôme, livre d'Isaïe, chapitre 39. En ce temps-là, Mérodac-Baladan, fils de Baladan, roi de Babylone, envoya des livres et des présents à Ézéchias, car il avait appris qu'il avait été malade et qu'il était guéri. Ézéchias se réjouit à l'arrivée des députés et leur montra le lieu où étaient conservés les aromates, l'argent et l'or, les parfums et les essences les meilleures, tous les endroits où étaient les meubles et tout ce qui se trouva dans ses trésors. Il n'y eut chose que ne leur montra Ézéchias de ce qui était en sa maison et toute sa puissance. Or Isaïe le prophète entra auprès du roi Ézéchias et lui dit, « Qu'ont dit ces hommes et d'où sont-ils venus vers vous ?» Et dit Ézéchias, « C'est d'une terre lointaine qu'ils sont venus vers moi, de Babylone. » Et le prophète dit, « Qu'ont-ils vu dans votre maison ?» Et Ézéchias dit, « Tout ce qu'il y a dans ma maison, ils l'ont vu. Il n'est chose que je ne leur ai montré dans mes trésors. » Et Isaïe dit à Ézéchias, « Écoute la parole du Seigneur des armées. Voilà que des jours viendront, et que sera emporté à Babylone tout ce qui est dans ta maison, et ce qu'ont amassé tes pères jusqu'à ce jour. Rien ne sera laissé, dit le Seigneur. Et on prendra de tes fils qui sortiront de toi, et que tu auras engendrés, et ils seront eunuques dans le palais du roi de Babylone. » Et Ézéchias dit à Isaïe, « Bonne est la parole du Seigneur que tu as dite. » Puis il dit, « Qu'il y ait paix seulement et vérité durant mes jours. » Selon saint Jérôme, livre d'Isaïe, chapitre 40. Consolez-vous, mon peuple, consolez-vous, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et appelez-la. Parce que sa malice est arrivée au terme, son iniquité a été pardonnée. Elle a reçu de la main du Seigneur une double peine pour tous ses péchés. Voici la voix de quelqu'un qui crie dans le désert. Préparez la voie du Seigneur. Rendez droit dans la solitude les sentiers de notre Dieu. Toute vallée sera comblée, et toute montagne et colline sera abaissée. Les chemins tortus seront redressés, et les raboteux deviendront des voies aplanies. Et la gloire du Seigneur sera relevée, et toute chair verra en même temps que la bouche du Seigneur a parlé. Voici la voix de quelqu'un qui dit « Crie !» Et j'ai dit « Que dirai-je ? » Toute chair est de l'herbe, et toute sa gloire est comme la fleur du champ. L'herbe s'est desséchée, et la fleur est tombée, parce que le souffle du Seigneur a soufflé sur elle. Vraiment, l'herbe, c'est le peuple. L'herbe s'est desséchée, et la fleur est tombée, mais la parole de notre Seigneur demeure éternellement. Sur une haute montagne, monte, toi qui évangélises Sion. Élève avec force ta voix, toi qui évangélises Jérusalem. Élève-la, ne crains pas. Dis aux cités de Juda, voici votre Dieu. Voici que le Seigneur, Dieu, viendra dans sa puissance, et que son bras dominera. Voici que sa récompense est avec lui, et que son œuvre est devant lui. Comme un pasteur, il paîtra son troupeau, et avec son bras il rassemblera les agneaux, et il les prendra dans son sein. Il portera lui-même les brebis pleines. Qui a mesuré les eaux dans sa poignée, et a pesé les cieux dans la paume de sa main? Qui a soutenu de trois doigts la masse de la terre, et a équilibré les montagnes au poids et les collines dans la balance? Qui a aidé l'Esprit du Seigneur, ou qui a été son conseiller et l'a enseigné? Avec qui est-il entré en conseil? Et qui lui a donné l'intelligence et lui a enseigné le sentier de la justice et l'a formé à la science et lui a montré la voie de la prudence? Voici que les nations sont réputées comme une goutte coulant d'un seau, comme ce qui donne un mouvement à une balance. Voici que les îles sont comme une poussière légère. Et le Liban ne suffira pas pour allumer le feu de son autel, et les animaux ne suffiront pas pour un holocauste. Toutes les nations, comme si elles n'étaient pas, ainsi sont-elles devant lui, et elles sont réputées par lui comme le néant et le vide. À qui donc avez-vous fait semblable le Seigneur? Quelle forme lui donnerez-vous? Est-ce que l'ouvrier ne jette pas une statue en fonte? Ou l'orfèvre ne la forme-t-il pas en or? Et l'argenteur ne la recouvre-t-il pas de lames d'argent? Il choisit un bois fort et incorruptible. L'artisan habile cherche comment il placera sa statue pour qu'elle ne chancelle point. Est-ce que vous ne savez pas? Est-ce que vous n'avez pas entendu? Est-ce qu'on ne vous a pas annoncé dès le commencement? Est-ce que vous n'avez pas compris les fondements de la terre? Est-ce que vous n'avez pas compris qui est celui qui demeure sur le globe de la terre? Et ses habitants sont comme des sauterelles, qui a étendu les cieux comme rien, et qui les a déployés comme un tabernacle qui doit être habité, qui réduit les scrutateurs des secrets à être comme s'ils n'étaient pas, et a fait des juges de la terre une chose vaine. Et à la vérité, leur tronc n'avait été ni planté, ni semé, ni enraciné dans la terre. Soudain, Dieu a soufflé sur eux, et ils se sont desséchés, et un tourbillon les emportera comme la paille. « Et à qui m'avez-vous assimilé et égalé ?» dit le Saint. « Levez en haut vos yeux, et voyez qui a créé ces choses, qui fait lever en nombre leurs milices, qui les appelle toutes par leur nom, à cause de la grandeur de sa puissance, et de sa force, et de sa vertu. Pas une seule ne manque. Pourquoi dis-tu, ô Jacob, et dis-tu, ô Israël, ma voix a été cachée au Seigneur, et par mon Dieu mon jugement a été mis de côté? Est-ce que tu ne sais pas, ou n'as-tu pas appris? Dieu est l'éternel Seigneur qui a créé les limites de la terre. Il ne se lassera pas, il ne se fatiguera pas, et l'investigation de sa sagesse n'est pas possible. C'est lui qui donne la vigueur à l'homme là. Et pour ceux qui ne sont pas, il augmente le courage et la force. Les enfants se lasseront et se fatigueront, et les jeunes hommes tomberont par l'affaiblissement. Mais ceux qui espèrent dans le Seigneur prendront une force nouvelle. Ils prendront des ailes comme les aigles. Ils courront et ne se fatigueront pas. Ils marcheront et ne défailleront pas. Le selon saint Jérôme, livre d'Isaïe, chapitre 41. Que les îles se taisent devant moi, et que les nations prennent une nouvelle force, qu'elles s'approchent, et alors qu'elles parlent, et entrons ensemble en jugement. Qui a suscité de l'Orient le juste? Qui l'a appelé pour qu'il le suivît? Il mettra en sa présence des nations, et lui asservira des rois. Il les livrera comme de la poussière à son glaive, et comme une paille emportée par le vent à son arc. En les poursuivant, il passera en paix, et la trace de ses pieds ne paraîtra pas. Qui a opéré et fait ces choses, appelant les générations dès le commencement? Je suis le Seigneur, c'est moi qui suis le premier et le dernier. Les îles ont vu et elles ont craint. Les extrémités de la terre ont été dans la stupeur. Elles se sont rapprochées et sont arrivées. Chacun portera secours à son voisin, et dira à son frère, « Prends courage !» L'ouvrier en airain, frappant du marteau, a encouragé celui qui dans le même temps battait sur l'enclume, disant, « C'est bon pour la soudure !» Et il l'a assuré avec des clous, afin qu'il ne fût pas ébranlé. « Et toi, Israël, mon serviteur, Jacob, que j'ai choisi, race d'Abraham, mon ami, dans lequel je t'ai retiré des extrémités de la terre et de ces pays lointains, je t'ai appelé, et je t'ai dit, mon serviteur, c'est toi. Je t'ai choisi, et je ne t'ai pas rejeté. Ne crains pas, parce que voici que je suis avec toi. Ne te détourne pas, parce que moi je suis ton Dieu. Je t'ai fortifié, je t'ai secouru, et la droite de mon juste t'a soutenu.

Toutes les nations se sont réunies ensemble et des tribus se sont liées. Qui parmi vous annoncera cela et nous fera entendre les choses qui furent les premières? Qu'ils produisent leurs témoins, qu'ils se justifient, et qu'ils entendent et qu'ils disent « C'est vrai ». Vous êtes mes témoins, dit le Seigneur, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous sachiez, que vous me croyez et que vous compreniez que c'est moi-même qui suis. Avant moi, il n'y a pas eu de Dieu formé, et après moi, il n'y en aura pas. C'est moi qui suis. C'est moi qui suis le Seigneur, et il n'y a pas hors moi de sauveur. C'est moi qui ai annoncé et qui ai sauvé. J'ai fait entendre, et il n'y a pas eu parmi vous d'étrangers. Vous êtes mes témoins, dit le Seigneur, et moi, je suis Dieu. Et dès le commencement, je suis, et il n'y a personne qui arrache de ma main. J'agirai, et qui m'en détournera? Voici ce que dit le Seigneur, votre Rédempteur, le Saint d'Israël. À cause de vous, j'ai envoyé à Babylone, et j'ai arraché toutes ses barres, et les Chaldéens qui se glorifiaient dans leurs vaisseaux. Je suis le Seigneur, votre Saint, le Créateur d'Israël, votre Roi. Voici ce que dit le Seigneur qui a fait dans la mer une voie, et au milieu des eaux impétueuses un sentier, qui a fait sortir le quadrige et le cheval, l'armée et le fort. Ils se sont endormis ensemble, ils ne se relèveront pas. Ils ont été brisés comme le lin, et ils se sont éteints. Ne vous souvenez plus des choses passées, et les anciennes ne les regardez pas. Voici que moi je fais des choses nouvelles, c'est maintenant qu'elles paraîtront. Certainement vous les connaîtrez. Je ferai dans le désert une voie, et dans un chemin impraticable des fleuves. La bête des champs me glorifiera, ainsi que les dragons et les autruches, parce que j'ai mis dans le désert des eaux, des fleuves dans un chemin impraticable, afin de donner à boire à mon peuple, à mon élu. J'ai formé ce peuple pour moi, il publiera ma louange. Cependant tu ne m'as pas invoqué, Jacob, et tu n'as pas travaillé pour moi, Israël. Tu ne m'as pas offert ton bélier d'holocauste, et par tes victimes tu ne m'as pas glorifié. Je ne t'ai pas forcé à me faire des oblations, et je ne t'ai pas donné la peine de m'offrir de l'encens. Tu ne m'as pas acheté avec ton argent de canne odorante, et de la graisse de tes victimes tu ne m'as pas rassasié. Mais tu m'as rendu ton esclave par tes péchés. Tu m'as donné du mal par tes iniquités. C'est moi-même qui efface tes iniquités à cause de moi. Et de tes péchés, je ne me souviendrai pas. Remets-moi en mémoire et plaidons ensemble. Raconte si tu as quelque chose pour te justifier. Ton père le premier a péché, et tes interprètes ont prévariqué contre moi. C'est pourquoi j'ai déclaré souillés les princes saints. J'ai livré Jacob à la tuerie et Israël à l'outrage. Sainte Bible selon saint Jérôme, livre d'Isaïe, chapitre 44. Et maintenant écoute, Jacob, mon serviteur, et toi, Israël, que j'ai choisi. Voici ce que dit le Seigneur qui t'a fait et formé de le sein de ta mère, ton aide. Ne crains point, Jacob, mon serviteur, et toi, le très juste que j'ai choisi. Car je répandrai des eaux sur un sol altéré et des ruisseaux sur une terre aride. Je répandrai mon esprit sur ta postérité et ma bénédiction sur ta race. Et elles germeront parmi les herbes comme des saules sur des eaux courantes. Celui-ci dira « Moi, je suis au Seigneur ». Et celui-ci prendra le nom de Jacob. Et un autre écrira de sa main « Au Seigneur », et par le nom à Israël il sera assimilé. Voici ce que dit le Seigneur, le roi d'Israël, et son Rédempteur, le Seigneur des armées. Je suis le premier et je suis le dernier, et hors de moi il n'y a point de Dieu. Qui est semblable à moi? Qu'il appelle et qu'il annonce, et qu'il m'expose la série des choses, depuis que j'ai fondé un peuple antique. Qu'il leur annonce les choses à venir et celles qui doivent être. Ne craignez pas, ne soyez pas troublés. Dès lors, je t'ai fait entendre et je t'ai annoncé. c'est vous qui êtes mes témoins. Est-ce qu'il y a un Dieu hors moi et un Créateur que moi je n'ai pas connu? Tous les fabricateurs d'idoles ne sont rien, et leurs œuvres qu'ils estiment le plus ne leur seront pas utiles. Eux-mêmes sont témoins qu'elles ne voient pas et qu'elles ne comprennent pas, en sorte qu'ils sont confondus. Qui a formé un Dieu et a jeté en fonte une image qui n'est utile à rien? Voici que tous ceux qui y ont pris part seront confondus, car ces artisans sont des hommes. Ils se réuniront tous, ils se présenteront et ils auront peur, et seront confondus tous ensemble. Le forgeron a travaillé avec une lime. Au moyen de charbon ardent et de marteau, il a formé l'idole. Et il a travaillé de son bras vigoureux. Il aura faim, et il défaillira. Il ne boira pas d'eau, et il sera épuisé. Le sculpteur en bois a étendu la règle. Il a formé l'idole avec le rabot. Il l'a dressée à l'équerre, et il l'a contournée avec le compas. Et il a fait l'image d'un homme, représentant un bel homme, habitant dans une maison. Il a coupé des cèdres, il a pris un chêne vert et un chêne qui avait été parmi les arbres d'une forêt, et il a planté un pin que la pluie a nourri. Et les hommes s'en sont servis pour le feu. Il en a pris lui-même et il s'est chauffé, et il a mis le feu et il a cuit des pains, mais avec le reste, il a façonné un dieu et il l'a adoré. Il a fait une image taillée au ciseau, et il s'est courbé devant elle. Il a brûlé au feu une moitié de bois, et de son autre moitié, il a préparé des viandes pour manger. Il en a préparé un mets, et il s'en est rassasié, il s'est chauffé, et a dit « Ah, je me suis chauffé, j'ai vu le feu ». Mais de son reste, il fait un dieu et une idole. Il se courbe devant elle, l'adore, et la prie, et la supplie, disant « Délivrez-moi, parce que mon Dieu, c'est vous ». Ils n'ont pas su, ils n'ont pas compris, car leurs yeux sont couverts d'un enduit, en sorte que leurs yeux ne voient pas et que leur cœur ne comprend pas. Ils ne réfléchissent pas en leur esprit, et ils n'ont pas assez de sens pour dire « J'ai brûlé la moitié de ce bois au feu, et j'ai cuit sur ces charbons des pains, j'ai cuit des viandes et j'ai mangé, et du reste, ferai-je une idole? Devant un tronc d'arbre me prosternerai-je ? » Une partie de ce bois est de la cendre. Un cœur insensé a adoré l'idole, et il ne délivrera pas son âme, et il ne dira pas « Peut-être qu'il y a un mensonge dans ma main droite. » Souviens-toi de ces choses, Jacob, et toi, Israël, parce que mon serviteur, c'est toi. Je t'ai formé, mon serviteur, c'est toi, Israël, ne m'oublie pas. J'ai effacé comme un nuage tes iniquités, et comme une vapeur tes péchés. Reviens à moi parce que je t'ai racheté. Louez, cieux, parce que le Seigneur a fait miséricorde. Jubilez, extrémité de la terre, faites retentir la louange, montagnes, forêts et tous ces arbres. Parce que le Seigneur a racheté Jacob et qu'Israël se glorifiera. Voici ce que dit le Seigneur ton Rédempteur et qui t'a formé dès le sein de ta mère. Je suis le Seigneur, faisant toutes choses, seul étant dans les cieux, affermissant la terre, et nul n'est avec moi. Rendant sans effet les présages des devins, et jetant les magiciens dans la fureur. Faisant tourner les sages en arrière, et rendant leur science insensée. Suscitant la parole de son serviteur, et accomplissant les conseils de son messager. Moi qui dis à Jérusalem, tu seras habité, et aux cités de Juda, vous serez édifiés, et à ces déserts, je donnerai la vie. Moi qui dis à l'abîme, sois détruit, et je mettrai tes fleuves à sec. Moi qui dis à Cyrus, tu es mon pasteur et tu accompliras toute ma volonté. Moi qui dis à Jérusalem, tu seras édifié, et au temple, tu seras fondé. La Bible selon saint Jérôme, livre d'Isaïe, chapitre 45. Voici ce que dit le Seigneur à mon Christ Cyrus, que j'ai pris par la droite afin d'assujettir devant sa face les nations, de faire tourner le dos au roi et d'ouvrir devant lui les portes des maisons, et les portes des villes ne seront pas fermées. Moi j'irai devant lui,

Ils ne délivreront pas leurs âmes de la main de la flamme. Ce ne sont pas des charbons ardents avec lesquels on se chauffe, ni un foyer auprès duquel on s'assied. Ainsi sont devenues toutes ces choses auxquelles tu t'étais appliqué. Ceux qui ont trafiqué avec toi dès ta jeunesse ont erré, chacun dans sa voie. Il n'en est pas qui te sauve. Sainte selon saint Jérôme, livre d'Isaïe, chapitre 48. Écoutez ceci, maison de Jacob, vous qui êtes appelés du nom d'Israël, et qui êtes sortis des eaux de Juda, qui jurez au nom du Seigneur, qui vous souvenez du Dieu d'Israël, mais non dans la vérité et la justice. Car ils ont été appelés du nom de la cité sainte, et sur le Dieu d'Israël ils se sont appuyés, le Seigneur des armées est son nom. J'ai annoncé dès lors les événements passés, c'est de ma bouche qu'ils sont sortis, et je les ai fait entendre. Je les ai accomplis tout d'un coup, et ils sont arrivés. Car je savais que tu es dur, que ton cou est une chaîne de fer, et ton front d'airain. Je t'ai prédit dès lors ces choses, avant qu'elles vinssent. Je te les ai indiquées de peur que tu ne dises « Ce sont mes idoles qui les ont faites, et mes images taillées au ciseau et jetées en fonte qui les ont ordonnées. » Les choses que tu as entendues, voilées toutes. Mais vous, est-ce que vous les avez annoncées? Je t'en ai fait entendre dès lors de nouvelles, et il en est de réservées que tu ne connais pas. C'est maintenant qu'elles ont été créées, et non pas alors. Avant un jour seulement, et tu ne les as pas entendues, de peur que tu ne dises « Voici que moi je les connaissais ». Tu n'as entendu, ni connu. Ton oreille même alors n'était pas ouverte. Car je sais que prévariquant tu prévariqueras, et je t'ai appelé transgresseur dès le sein de ta mère. À cause de mon nom j'éloignerai ma fureur, et pour ma gloire je te mettrai un frein, pour que tu ne périsses pas. Je t'ai purifié par le feu, mais non comme l'argent. J'ai choisi pour toi le fourneau de la pauvreté. C'est à cause de moi, à cause de moi que je ferai que mon nom ne soit pas blasphémé et que je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Écoute, Jacob, et toi, Israël, que j'appelle. Moi qui suis, moi le premier et moi le dernier. Ma main aussi a fondé la terre et ma droite a étendu les cieux. Moi je les appellerai et ils seront là tous ensemble. Rassemblez-vous tous et écoutez-moi. Qui d'entre eux a annoncé ces choses? Le Seigneur l'a aimé, il fera sa volonté dans Babylone, et il sera son bras parmi les Chaldéens. C'est moi qui ai parlé et je l'ai appelé. Je l'ai amené et sa voix est aplanie. Approchez-vous de moi et écoutez ceci. Dès le principe, je n'ai pas parlé en secret. Dans le temps même, avant l'événement, j'étais là, et maintenant le Seigneur et son Esprit m'ont envoyé. Voici ce que dit le Seigneur, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, le Seigneur, ton Dieu, je t'enseigne des choses utiles. Je te dirige dans la voie par laquelle tu marches. Oh, si tu avais été attentif à mes commandements, ta paix aurait été comme un fleuve, et ta justice comme les flots de la mer. Ta postérité eût été comme le sable de ses rivages, et les rejetons de ton sein comme les petites pierres de ses bords. Le nom de ta race n'aurait pas péri, et il n'eût pas été effacé de devant ma face. Sortez de Babylone, fuyez de chez les Chaldéens. Avec la voix de l'exultation, annoncez cette nouvelle. Faites l'entendre et portez-la jusqu'aux extrémités de la terre. Dites, le Seigneur a racheté son serviteur Jacob. Ils n'ont pas eu soif dans le désert lorsqu'il les ramenait. Il fit sortir de l'eau d'une pierre pour eux, et il fendit la pierre et des eaux coulèrent. Il n'y a point de paix pour les impies, dit le Seigneur. Selon saint Jérôme, livre d'Isaïe, chapitre 49. Écoutez, îles, et soyez attentifs, peuples éloignés. Le Seigneur, dès le sein, m'a appelé. Dès les entrailles de ma mère, il s'est souvenu de mon nom. Il a disposé ma bouche comme un glaive aigu. À l'ombre de sa main, il m'a protégé, et il m'a disposé comme une flèche choisie. Il m'a rangé dans son carquois. Et il m'a dit, mon serviteur, c'est toi, Israël, parce qu'en toi je me glorifierai. Et moi j'ai dit, c'est dans le vide que j'ai travaillé, c'est sans motif et vainement que j'ai consumé ma force. Ainsi mon jugement est au pouvoir du Seigneur, et mon travail au pouvoir de Dieu. Et maintenant, dit le Seigneur, qui m'a formé dès le sein de ma mère pour le servir, afin que je ramène Jacob à lui, et Israël ne sera pas rassemblé, et j'ai été glorifié aux yeux du Seigneur, et mon Dieu est devenu ma force. Il a donc dit, c'est peu que tu me serves à relever les tribus de Jacob et à convertir les restes d'Israël. Voici que je t'ai posé en lumière des nations, afin que tu sois mon salut jusqu'à l'extrémité de la terre. Voici ce que dit le Seigneur, le Rédempteur d'Israël, son saint, à une âme méprisable, à une nation détestée, à l'esclave de ceux qui le dominent. Les rois te verront et les princes se lèveront, et ils l'adoreront à cause du Seigneur, parce qu'il est fidèle, et à cause du Saint d'Israël qui t'a choisi. Voici ce que dit le Seigneur. En un temps favorable, je t'ai exaucé, et en un jour de salut, je t'ai secouru. Je t'ai conservé, et je t'ai établi, pour faire alliance avec un peuple, afin que tu rétablisses une terre, et que tu possèdes des héritages dissipés, afin que tu dises à ceux qui étaient dans les fers, sortez, et à ceux qui étaient dans les ténèbres, venez à la lumière. Sur les chemins ils trouveront à paître, et dans toutes les plaines seront leurs pâturages. Ils n'auront pas faim ni soif, la chaleur ne les atteindra pas, ni le soleil, parce que celui qui a pitié d'eux les conduira, et à des sources d'eau il les fera boire. Et je disposerai toutes mes montagnes en une voie, et mes sentiers seront élevés. Voici que ceux-ci viendront de loin, et voici que ceux-là viendront de l'Aquilon et de la mer, et ceux-ci de la terre du Midi. Louez, cieux, exulte terre, montagnes, faites retentir la louange, parce que le Seigneur a consolé son peuple et qu'il aura pitié de ses pauvres. Et Sion a dit, le Seigneur m'a abandonné, et le Seigneur m'a oublié. Est-ce qu'une mère peut oublier son enfant, de sorte qu'il n'ait pas pitié du fils de son sein? Mais quand même elle l'oublierait, pour moi je ne t'oublierai point. Voici que je t'ai gravé dans mes mains, tes murs sont devant mes yeux sans cesse. Ils sont venus tes constructeurs, ceux qui te détruisaient et te dissipaient sortiront de ton enceinte. Lève les yeux tout autour et vois. Tous ceux-ci se sont rassemblés et ils sont venus à toi. Je vis, moi, dit le Seigneur, de tout ceci comme d'un ornement tu seras revêtu, et tu t'empareras comme une épouse. Tes déserts et tes solitudes et ta terre ruinée seront maintenant étroits, eu égard aux habitants, et ils seront mis en fuite au loin ceux qui te dévoraient. Ils te diront encore à tes oreilles, les fils de ta stérilité, le lieu est étroit. Fais-moi de l'espace afin que j'habite. Et tu diras dans ton cœur, qui m'a engendré ceci? J'étais stérile et je n'enfantais pas, exilée et captive, et ceci qui les a nourris. J'étais abandonnée et seule, et ceci où était-il? Voici ce que dit le Seigneur Dieu. Voici que vers des nations j'élèverai ma main, et devant des peuples je hausserai mon étendard. Et ils apporteront tes fils entre leurs bras, et tes filles ils les porteront sur leurs épaules. Et les rois seront tes nourriciers, et les reines tes nourrices. La face contre terre, ils se prosterneront devant toi, et ils lécheront la poussière de tes pieds. Et tu sauras que je suis le Seigneur, dans lequel ne seront pas confondus ceux qui l'attendent. Est-ce qu'on ôtera à un homme fort sa proie? Ou ce qui a été pris par un homme robuste, pourra-t-il être sauvé? Parce que voici ce que dit le Seigneur. Certainement, et les captifs seront ôtés à un homme fort, et ce qui aura été enlevé par un homme robuste sera sauvé. Or, ceux qui t'ont jugé, moi, je les jugerai, et tes fils, moi, je les sauverai. Et je nourrirai tes ennemis de leur propre chair, et comme d'un vin nouveau, je les enivrerai de leur sang. Et toute chair saura que c'est moi le Seigneur qui te sauve et que ton Rédempteur est le fort de Jacob. Cette Bible selon saint Jérôme, livre d'Isaïe, chapitre 50. Voici ce que dit le Seigneur. Quel est cet acte de répudiation donné à votre mère par lequel je l'ai renvoyé? Ou quel est mon créancier à qui je vous ai vendu? Voilà que pour vos iniquités vous avez été vendu, et pour vos crimes j'ai renvoyé votre mère. Parce que je suis venu, et il n'y avait pas un homme. J'ai appelé, et il n'y avait personne qui entendit. Est-ce que ma main s'est raccourcie, et est devenue toute petite en sorte que je ne puisse vous racheter? Ou bien n'a-t-il pas en moi de force pour délivrer? Voilà qu'à ma réprimande je ferai un désert de la mer. Je mettrai les fleuves à sec. Les poissons pourriront faute d'eau et périront de soif. J'envelopperai les cieux de ténèbres et je leur mettrai un sac pour couverture. Le Seigneur m'a donné une langue savante, afin que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il prépare dès le matin. Dès le matin, il prépare mon oreille, afin que je l'écoute comme un maître. Le Seigneur Dieu m'a ouvert l'oreille, et moi je ne le contredis pas. Je ne me suis pas retiré en arrière. J'ai abandonné mon corps à ceux qui me frappaient, mes joues à ceux qui arrachaient ma barbe. Je n'ai pas détourné ma face à ceux qui me réprimandaient et qui crachaient sur moi. Le Seigneur Dieu est mon aide. C'est pour cela que je n'ai pas été confondu. C'est pour cela que j'ai présenté ma face comme une pierre très dure, et je sais que je ne serai pas confondu. Près de moi est celui qui me justifie. Qui me contredira? Présentons-nous ensemble qui est mon adversaire, qu'il s'approche de moi. Voici que le Seigneur Dieu est mon aide. Qui est-ce qui me condamnera? Voici que tous seront mis en pièces comme un vêtement. La teigne les rongera. Qui de vous craint le Seigneur? Écoute la voix de son serviteur. Que celui qui a marché dans les ténèbres et en qui n'est pas la lumière espère au nom du Seigneur et qu'il s'appuie sur son Dieu. Voici que vous tous qui avez allumé un feu, vous êtes environnés de flammes. Marchez à la lumière de votre feu et dans les flammes que vous avez allumées. C'est par ma main que cela vous a été fait. Vous dormirez au milieu des douleurs. Selon saint Jérôme, livre d'Isaïe, chapitre 51. Écoutez-moi, vous qui suivez ce qui est juste et qui cherchez le Seigneur. Portez votre attention sur la pierre dont vous avez été taillé et sur la cavité de la citerne dont vous avez été arraché. Portez votre attention sur Abraham, votre père, et sur Sarah qui vous a enfanté. Je l'ai appelé Saul, et je l'ai béni, et je l'ai multiplié. Ainsi le Seigneur consolera Sion, et il consolera toutes ses ruines. Il rendra son désert comme un lieu de délices, et sa solitude comme un jardin du Seigneur. On y trouvera la joie et l'allégresse, l'action de grâce et la voix de la louange. Soyez attentifs à moi, mon peuple, ma tribu, écoutez-moi, parce qu'une loi sortira de moi, et que mon jugement pour la lumière des peuples reposera parmi eux. Proche est mon juste, sorti est mon sauveur, et mes bras jugeront les peuples, les îles m'attendront et elles espéreront mon bras. Levez au ciel les yeux, et voyez en bas sur la terre, parce que les cieux comme la fumée se dissiperont, et la terre s'usera comme un vêtement, et ses habitants comme elle périront. Mais mon salut sera éternel, et ma justice ne périra pas. Écoutez-moi, vous qui savez ce qui est juste, mon peuple dans le cœur de qui est ma loi. Ne craignez pas l'opprobre des hommes, n'appréhendez pas leurs outrages. Comme un vêtement le ver les rongera, et comme la laine la teigne les dévorera. Mais mon salut sera à jamais, et ma justice dans toutes les générations. Lève-toi, lève-toi, revêt-toi de force, bras du Seigneur. Lève-toi comme aux jours anciens, dans les générations des siècles. N'est-ce pas vous qui avez frappé un superbe, blessé un dragon? N'est-ce pas vous qui avez desséché la mer, l'eau du grand abîme, qui avez établi une voie au profond de la mer, afin que ceux qui avaient été délivrés y trouvassent un passage? Et maintenant,

Voici que mon serviteur aura l'intelligence. Il sera exalté, élevé et glorieux. Comme beaucoup ont été frappés de stupeur à son sujet, ainsi sera sans gloire son aspect parmi les hommes et sa forme parmi les fils des hommes. C'est lui qui aspergera beaucoup de nations. Devant lui, des rois fermeront leur bouche. Parce que ceux à qui il n'avait pas parlé de lui l'ont vu, et ceux qui n'en avaient pas entendu parler l'ont contemplé. Cette Bible selon saint Jérôme, livre d'Isaïe, chapitre 53. Qui a cru à ce qu'il a entendu de nous? Et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Et il montera comme une branche menue devant lui, et comme un rejeton d'une terre altérée. Il n'a ni éclat ni beauté, et nous l'avons vu, et il n'avait pas un aspect agréable, et nous l'avons désiré. Méprisé est le dernier des hommes, homme de douleur et connaissant l'infirmité. Son visage était comme caché et méprisé, et nous l'avons compté pour rien. Il a vraiment lui-même pris nos langueurs sur lui, et il a lui-même porté nos douleurs. Et nous l'avons considéré comme un lépreux, frappé de Dieu et humilié. Mais lui-même, il a été blessé à cause de nos iniquités. Il a été brisé à cause de nos crimes. Le châtiment pris de notre paix est tombé sur lui, et par ses meurtrissures nous avons été guéris. Nous tous, comme des brebis, nous avons erré. Chacun s'est détourné vers sa voie. Et le Seigneur a mis sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été offert parce que lui-même l'a voulu, et il n'a pas ouvert sa bouche. Comme une brebis, il sera conduit à la tuerie, et comme un agneau devant celui qui le tond. Il sera muet, et il n'ouvrira pas sa bouche. À la suite des angoisses et d'un jugement, il a été enlevé. Qui racontera sa génération? Car il a été retranché de la terre des vivants. À cause du crime de mon peuple, je l'ai frappé. Et il donnera des impies pour sa sépulture, et un riche pour sa mort, parce qu'il n'a pas commis d'iniquité, et que la tromperie n'a pas été dans sa bouche. Mais le Seigneur a voulu le briser dans son infirmité. S'il donne pour le péché son âme, il verra une race de longue durée, et la volonté du Seigneur par sa main sera dirigée. De ce que son âme a souffert, il verra le fruit, et il sera rassasié. Par sa science, mon serviteur justifiera lui-même un grand nombre d'hommes, et leurs iniquités lui-même les portera. C'est pour cela que je lui départirai un très grand nombre d'hommes, et il distribuera les dépouilles des forts, parce qu'il a livré à la mort mon âme, et qu'il a été compté parmi les scélérats. Parce qu'il a porté les péchés d'un grand nombre et qu'il a prié pour les transgresseurs. Bible selon saint Jérôme, livre d'Isaïe, chapitre 54. Loue le Seigneur, stérile qui n'enfante pas. Chante sa louange et pousse des cris de joie, toi qui n'enfantais pas. Parce que les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui a un mari, dit le Seigneur. Élargis l'enceinte de ta tente et étends les peaux de tes tabernacles. N'épargne rien, allonge tes cordages et affermis tes pieux. Car tu pénétreras à droite et à gauche, et ta race sera des nations pour héritage, et elle habitera des villes auparavant désertes. Ne crains pas, parce que tu ne seras pas confondu, et tu ne rougiras pas, car tu n'auras pas de honte, parce que tu oublieras la confusion de ta jeunesse. Et de l'opprobre de ta viduité, tu ne te souviendras plus. Parce que celui qui t'a faite te dominera. Le Seigneur des armées est son nom. Et ton Rédempteur, le Saint d'Israël, sera appelé le Dieu de toute la terre. Car le Seigneur t'a appelé comme une femme délaissée et affligée d'esprit. Et comme une femme répudiée dès sa jeunesse, a dit ton Dieu. Pour un instant, je t'ai un peu délaissée. Mais dans mes grandes miséricordes, je te rassemblerai. Dans un moment d'indignation, je t'ai caché ma face, pendant un peu de temps. Mais dans ma miséricorde éternelle, j'ai eu pitié de toi, a dit ton Rédempteur, le Seigneur. C'est ici pour moi comme au jour de Noé, à qui je jurai que je n'amènerai plus les eaux de Noé sur la terre. Ainsi j'ai juré que je ne me mettrai pas en colère contre toi et que je ne te réprimanderai pas. Car les montagnes seront ébranlées et les collines frémiront. Mais ma miséricorde ne se retirera pas de toi, et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée, a dit celui qui a pitié de toi, le Seigneur. Tu es pauvre, battu par la tempête et sans aucune consolation. Voici que moi j'alignerai tes pierres, et tu seras fondé sur des saphirs. Et je ferai tes tours de jaspe, et tes portes en pierres ciselées, et tous tes contours en pierres précieuses. Et tous tes fils seront instruits par le Seigneur, et une abondance de paix est réservée à tes fils. Et tu seras fondé dans la justice. Éloigne-toi de la violence parce que tu n'auras pas à craindre, et de la frayeur parce qu'elle ne t'approchera pas. Voici que viendra un habitant qui n'était pas avec moi. Que celui qui était étranger autrefois pour toi se joindra à toi. Voilà que moi, j'ai créé l'ouvrier qui souffle dans le feu des charbons ardents, et en fait sortir un instrument pour son ouvrage. Et c'est moi qui ai créé le meurtrier pour détruire. Tout instrument qui a été imaginé contre toi manquera le but. Et toute langue qui te résistera dans le jugement, tu la jugeras. C'est là l'héritage des serviteurs du Seigneur et la justice qu'ils trouveront auprès de moi, dit le Seigneur. Sainte Bible selon saint Jérôme, livre d'Isaïe, chapitre 55. Vous tous qui avez soif, venez vers les eaux. Et vous qui n'avez pas d'argent, hâtez-vous, achetez et mangez. Venez, achetez sans argent et sans aucun échange du vin et du lait. Pourquoi dépensez-vous de l'argent à ce qui n'est pas du pain, et votre travail à ce qui ne peut vous rassasier? Écoutez-moi avec une grande attention et mangez une bonne nourriture, et votre âme se délectera et s'en engraissant. Inclinez votre oreille et venez à moi. Écoutez, et votre âme vivra, et je ferai avec vous un pacte solennel qui montrera véritable les miséricordes promises à David. Voilà que je l'ai donné pour témoin au peuple, pour chef et pour maître aux nations. Voilà que tu appelleras une nation que tu ne connaissais pas, et des nations qui ne t'ont pas connu vers toi accourront, à cause du Seigneur ton Dieu et du Saint d'Israël qui t'a glorifié. Cherchez le Seigneur tandis qu'on peut le trouver. Invoquez-le tandis qu'il est proche. Que l'impie abandonne sa voie et l'homme inique ses pensées, et qu'il retourne au Seigneur, et il aura pitié de lui, et à notre Dieu, parce qu'il pardonne beaucoup. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, ni vos voies mes voies, dit le Seigneur. Parce qu'autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sont élevées mes voies au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Et de même que la pluie et la neige descendent du ciel et n'y retournent plus, mais qu'elles abreuvent la terre, la pénètrent, la font germer, et qu'elles donnent la semence au semeur et le pain à celui qui le mange, ainsi sera ma parole qui sortira de ma bouche. Elle ne reviendra pas à moi sans effet, mais elle fera tout ce que j'ai voulu, et elle réussira dans toutes les choses pour lesquelles je l'aurai envoyée. Parce que dans la joie vous sortirez et dans la paix vous serez ramenés. Les montagnes et les collines chanteront devant vous des louanges, et tous les arbres du pays battront des mains. Au lieu du nard sauvage s'élèvera le sapin, et au lieu de l'ortie croîtra le myrte, et le nom du Seigneur deviendra un signe éternel qui ne sera pas enlevé. Sainte Bible selon saint Jérôme, livre d'Isaïe, chapitre 56. Voici ce que dit le Seigneur. Gardez le jugement et pratiquez la justice, parce que mon salut est prêt de venir et ma justice d'être révélée. Bienheureux l'homme qui observe ceci et le fils de l'homme qui s'y attachera, gardant le sabbat afin de ne pas le profaner, gardant ses mains afin de ne faire aucun mal. et qu'ils ne disent en aucune manière le fils de l'étranger qui s'attache au Seigneur, le Seigneur me séparera entièrement de son peuple. Et que l'eunuque ne dise pas, voici que je suis un bois aride. Parce que voici ce que dit le Seigneur aux eunuques. Ceux qui gardent mes sabbats, et qui choisissent ce que je veux et observent mon alliance, je leur donnerai dans ma maison et dans mes murs un lieu et un nom plus avantageux que des fils et des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. Et les fils de l'étranger qui s'attachent au Seigneur afin de l'adorer et d'aimer son nom, afin d'être ses serviteurs, et tous ceux qui gardent le sabbat pour ne pas le profaner et observent mon alliance, je les conduirai sur ma montagne sainte. Je les remplirai de joie dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs victimes, offerts sur mon autel, me seront agréables, parce que ma maison sera appelée maison de prière pour tous les peuples. Le Seigneur Dieu qui rassemble les dispersés d'Israël dit : Je réunirai encore à lui ceux qui se joindront à lui. Vous tous, bêtes des champs, vous toutes bêtes des forêts, venez pour dévorer. Ces sentinelles sont toutes aveugles, elles sont toutes dans l'ignorance. Des chiens muets qui ne peuvent aboyer, qui voient des fantômes, qui dorment et aiment les songes. Et ces chiens d'une impudence extrême n'ont pas connu le rassasiement. Les pasteurs eux-mêmes n'ont pas d'intelligence. Tous se sont détournés vers leur voie, chacun vers son avarice, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Venez, disent-ils, prenons du vin, remplissons-nous-en jusqu'à l'ivresse. Et comme aujourd'hui, ainsi il en sera demain, et beaucoup plus encore. Selon saint Jérôme, livre d'Isaïe, chapitre 57. Le juste périt, et il n'est personne qui y pense en son cœur. Les hommes de miséricorde sont enlevés du monde, parce qu'il n'est personne qui ait de l'intelligence. Car c'est à cause de la malice qu'a été enlevé le juste. Vienne la paix, qu'il repose sur sa couche celui qui a marché dans sa ligne droite. Mais vous approchez ici, fils d'une devineresse, race d'un adultère et d'une prostituée. De qui vous êtes-vous joué? Contre qui avez-vous ouvert la bouche et tiré la langue? Est-ce que vous n'êtes pas, vous, des fils criminels, une race mensongère? Vous qui vous consolez dans vos dieux, sous tout arbre feuillu, immolant vos enfants dans les torrents, sous les pierres avancées. Dans les parties d'un torrent est ta part, c'est là ton sort, et tu y as répandu une libation, tu as offert un sacrifice. Est-ce que de cela je ne serais pas indigné? Sur une montagne haute et élevée tu as posé ton lit, tu y es monté afin d'immoler des hosties. Et derrière la porte, et en arrière du poteau, tu as placé ton souvenir. Parce que près de moi, tu as découvert ta couche, et tu as reçu des adultères. Tu as agrandi ton lit, et tu as fait avec eux une alliance. Tu as aimé leur couche à main ouverte. Et tu t'es paré d'un parfum royal, et tu as multiplié tes essences. Tu as envoyé des messagers au loin, et tu as été abaissé jusqu'aux enfers. Dans la multitude de tes voix, tu t'es fatigué. Tu n'as pas dit « Je me reposerai ». Tu as trouvé la vie de ta main. À cause de cela, tu ne m'as pas prié. Qui t'a rendu inquiète? Qui as-tu craint? Après que tu as menti, que tu ne t'es pas souvenu de moi, tu n'as pas pensé en ton cœur? C'est parce que je me tais, et que je suis comme ne voyant pas, que tu m'as oublié. Pour moi, j'annoncerai ta justice, et tes œuvres ne te serviront pas. Lorsque tu crieras, qu'il te délivre ceux que tu as rassemblés, et un vent les emportera, une brise les enlèvera. Mais celui qui a confiance en moi héritera de la terre, et il possédera ma montagne sainte. Et je dirai, faites une voie, préparez un chemin, détournez-vous du sentier, ôtez les pierres d'achoppement de la voie de mon peuple. Parce que voici ce que dit le Très-Haut, le sublime qui habite l'éternité et dont le nom est saint, et qui habite dans un lieu très élevé et dans un lieu saint, et avec un cœur contrit et un esprit humble, afin de vivifier l'esprit des humbles et le cœur des contrits. Car je ne disputerai pas éternellement,

et on connaîtra sa race parmi les nations et ses rejetons au milieu des peuples. Tous ceux qui les verront reconnaîtront qu'ils sont la race qu'a bénie le Seigneur. Me réjouissant, je me réjouirai dans le Seigneur. Mon âme exultera en mon Dieu, parce qu'il m'a revêtu des vêtements du salut et du manteau de la justice. Il m'a enveloppé comme l'époux paré d'une couronne et comme l'épouse ornée de ses colliers. Car comme la terre produit son germe et comme un jardin fait germer sa semence, ainsi le Seigneur Dieu fera germer la justice et la louange devant toutes les nations. La Bible selon saint Jérôme, livre d'Isaïe, chapitre 62. À cause de Sion, je ne me tairai pas, et à cause de Jérusalem, je ne me reposerai pas, jusqu'à ce que paraisse son juste comme une éclatante lumière, et que son sauveur comme un flambeau répande sa clarté. Et les nations verront ton juste, et tous les rois ton roi illustre. Et l'on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche du Seigneur nommera. Et tu seras une couronne de gloire dans la main du Seigneur, et un diadème royal dans la main de ton Dieu. Tu ne seras plus appelé délaissé, et ta terre ne sera plus appelée désolée, mais tu seras appelé ma volonté en elle, et ta terre habitée, parce que le Seigneur s'est complu en toi, et ta terre sera habitée. Car le jeune homme habitera avec la vierge, et tes fils demeureront en toi. Et l'époux se réjouira en son épouse, et ton Dieu se réjouira en toi. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai établi des gardes. Pendant tout le jour et pendant toute la nuit, jamais ils ne se tairont. Vous qui vous souvenez du Seigneur, ne vous taisez pas, et ne gardez pas le silence envers lui, jusqu'à ce qu'il affermisse et qu'il rende Jérusalem un objet de louange sur la terre. Le Seigneur a juré, par sa droite et par son bras fort, si je donne encore ton blé pour nourriture à tes ennemis, et si les fils de l'étranger boivent le vin, fruit de tes travaux. Parce que ceux qui amassent le blé le mangeront et loueront le Seigneur, et ceux qui transportent le blé le boiront dans mes parvis sacrés. Passez, passez par les portes, préparez la voie à mon peuple, aplanissez le chemin, ôtez-en les pierres et élevez l'étendard pour les peuples. Voilà que le Seigneur a fait entendre jusqu'aux extrémités de la terre. Dites à la fille de Sion, voici que ton Sauveur vient. Voici que sa récompense est avec lui, et que son œuvre est devant lui. Et on les appellera peuple saint racheté par le Seigneur. Mais toi, tu seras appelé cité recherchée et non délaissée. Sainte Bible selon saint Jérôme, livre d'Isaïe, chapitre 63. Quel est celui qui vient d'Édom, de Bosra, les vêtements teints? Il est beau dans sa robe. Il marche dans la grandeur de sa puissance. C'est moi qui parle justice et qui combat pour sauver. Pourquoi donc rouge est votre robe, et vos vêtements comme les vêtements de ceux qui foulent dans un pressoir? J'ai foulé le pressoir tout seul, et d'entre les nations il n'y a pas un homme avec moi. Je les ai foulés aux pieds dans ma fureur, et je les ai foulés aux pieds dans ma colère. Leur sang s'est répandu sur mes vêtements, il a souillé tous mes habits. Car le jour de la vengeance est dans mon cœur, l'année de ma rédemption est venue. J'ai regardé autour de moi, et il n'y avait pas d'auxiliaire. J'ai cherché, et il n'y a eu personne qui m'aida. Ainsi mon bras m'a sauvé, et mon indignation elle-même m'a secouru. Et j'ai foulé aux pieds les peuples dans ma fureur. Je les ai enivrés de mon indignation, et j'ai renversé par terre leurs forces. Je me souviendrai des miséricordes du Seigneur, je chanterai la louange du Seigneur, à cause de tout ce qu'il a fait pour nous, et à cause de la multitude des biens accordés à la maison d'Israël, et qu'il leur a prodigués selon sa bonté et selon la multitude de ses miséricordes. Et il a dit, mais pourtant c'est mon peuple, ce sont des fils qui ne renoncent pas à leur père, et il est devenu pour eux un sauveur. Dans toute leur tribulation, il n'a pas été tourmenté, car l'ange de sa face les a sauvés. Dans son amour et dans sa bonté, il les a lui-même rachetés. Il les a portés, il les a élevés dans tous les jours des siècles passés. Mais eux-mêmes l'ont provoqué au courroux,